Moi si l'on a un sentiment, c'est la tangue qu'on quitte, mon temps balana. Est-ce qu'on peut qu'on supporte, ma tambo va bouti, va salata na marquela. Ibo sova linga kate, yami bale baïna kanga iloko la nyama. Ibo sova linga kate, yami bale baïna kanga iloko la nyama.